Vous êtes sur Isanganiro, émettant depuis Bujumbura, la capitale économique. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici le sommaire. Le parquet de Bubanza fait face à un manque de magistrats. Seuls 7 sont rapportés selon le procureur de Bubanza qui évoque la lenteur dans le traitement des dossiers. Comme conséquence, c'est un reportage à suivre dans cette édition. Et la protection des gens de l'ethnie opposée lors de la crise de 1972 est un signe qu'il y a des gens qui sont aux côtés de la paix. C'est l'analyse faite par un expert en justice transitionnelle. Cette analyse intervient après l'annonce de la CVR, Commission Vérité et Réconciliation, que plus de 11 000 personnes ont protégé d'autres lors de la tragédie de 1972. À Makamba, on vous parlera du manque d'eau potable sur différentes collines de cette province et du sud du pays. Les habitants tirent la sonnette d'alarme. Et après ce journal, je vais céder le micro à Jean Bosco Nduimana pour vous présenter la revue de la presse. Gardez l'écoute. Eric Ouimana assure la mise en onde. Moïse Misago suit à la présentation. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais tantôt, des justiciables de la province Bubanza solamente dès le moment qu'ils passent en attendant d'être accueillis par des magistrats. Ils demandent que ce problème soit résolu. Le procureur de la République dans cette province reconnaît ce problème et explique que cela est dû au manque de magistrats suffisants. Ce que possède ce parquet de Bubanza sont largement dépassés par les dossiers. Spes Caritas Kabanyan. Nakubuga turicara kubera abantu usanga ari bwinshi cyane gose ingorane zihari abakozi ni bake mu ntara. Cet injusticiable rencontré ce jeudi devant le bureau du procureur de la République à Bubanza qui déplore le fait que les justiciables passent des journées entières au parquet attendant d'être accueillis par les magistrats. Il demande aux autorités de résoudre ce problème et d'augmenter leur personnel au parquet de Bubanza. De son côté, le procureur de la République à Bubanza reconnaît lui aussi que les justiciables passent beaucoup de temps sur les lignes devant les portes des magistrats. Jean-Claude Nsengiyumva, procureur de Bubanza, explique que c'est suite à un nombre très réduit de magistrats. Ils sont obligés d'attendre parce que nous avons un petit effectif du personnel. Et lorsqu'il y a des dossiers à inculper détenus qui nous sont arrivés de la part de la police, nous sommes obligés à les traiter prioritairement par rapport aux dossiers à inculper libres. C'est pourquoi vous trouverez les gens qui font déjà sur les dossiers sont devant nos portes. Ils attendent que nous terminions d'abord les dossiers qui composent des inculpés détenus. Bon, en principe, l'on les prévoit, les justices qui sont reçus lundi et mercredi. Mais ici, je vois tous les jours des gens qui viennent nous chercher nos services et nous sommes obligés de les accueillir. Le procureur précise également que le parquet traite beaucoup de dossiers et les infractions les plus fréquentes sont liées notamment au stéréonat, abus de confiance et autres. Les infractions les plus fréquentes sont liées au vol, aux abus de confiance. Les infractions de stéréonat, c'est-à-dire ceux qui vendent ou ceux qui donnent à l'hypothèque des immeubles qui ne leur appartiennent pas. C'est tous les terres cultivables. Le procureur de la République à Bubanza dit qu'il y a 7 magistrats actuellement au parquet, alors qu'auparavant, c'était presque le double. Certains ont eu des mutations, d'autres ont changé de service. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci, Spes Caritas Kabanyana. Justice transitionnelle à présent. Le fait que certaines personnes sauvent les vies humaines malgré la différence ethnique lors d'une crise prouve qu'il existe des gens qui restent du côté de la paix, risquant de coûter même leur vie. Analyse d'un expert en justice transitionnelle après que la Commission Vérité et Réconciliation CVR ait annoncé avoir identifié plus de 11 000 personnes qui ont protégé les proches en 1972. Jean Bosco Aririmana explique qu'il s'agit d'une étape importante dans le processus de réconciliation et surtout dans la lutte contre les divisions ethniques. Suivez l'expert Jean Bosco Aririmana au micro dans les Désirés Boukénèzes. La majorité des Burundais qui vivent aujourd'hui n'ont pas d'expérience directe avec la crise de 72. Ils entendent jusque-là les témoignages avaient été dominés par les victimes, les survivants, les malheurs qu'ils ont eus, qu'ils ont rencontrés, malheurs imposés par les citoyens d'une autre ethnie. Voilà, ça vient nuancer, dire... Ce n'était pas une ethnie, c'était des individus. Et dans ces individus, il y en a, oui, qui ont commis l'irréparable, qui ont tué, qui ont massacré, mais en même temps, dans ce contexte étendu, il y en a qui ont pris le risque de protéger les personnes d'une autre ethnie. Et donc, ça vient dire à la jeune génération que finalement, ce n'est pas un conflit si binaire entre Hutu et Tutsi comme tel, parce que les Hutus ont protégé des Tutsis, les Tutsis ont protégé des Hutus, au moment où les Hutus massacraient les Tutsis massacraient les Hutus. Est-ce que cela effectivement produit un impact dans cette marche vers la réconciliation? Effectivement, parce que ça change de narratif. Le narratif jusqu'ici avait été dominé par ce concept binaire de Hutu Tutsi qui se sont massacrés. Mais voilà, maintenant, ça renvoie à comprendre que, tiens, il y a des gens qui ont œuvré pour la paix, pour la réconciliation, en cachant les personnes qui étaient recherchées malgré le risque d'être eux-mêmes tués. Peut-être la CVR ira jusque-là. Il y en a qui ont été soit stigmatisés, soit bannis, ou qui ont encouru d'autres embûches parce que, justement, ils ont eu le courage de cacher les personnes de notre ethnie. Quelle leçon peut-on tirer de cette étape et qui pourrait enseigner les Burundais aujourd'hui et même dans l'avenir? La leçon principale, c'est que la mobilisation pour le mal n'est jamais totale. Il y en a de ces personnes qui sont toujours là, peut-être invisibles, mais qui œuvrent toujours pour la paix, quel que soit le prix à payer, qui œuvrent pour la réconciliation, quel que soit le coût du sacrifice. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons cette édition. La rivière Rudziwazi constitue la frontière naturelle entre les communes de Bugarama et Rumonge. Toutes de la province Rumonge menacent les habitats riverains côté Magara 2. Certains sont déjà même détruits. À l'origine, c'est l'extraction du sable et du gravier qui a fait dévier cette rivière de son lit initial. Selon les informations parvenues au ministère de l'Intérieur, pour le ministre Martin Iteretse, les prochains dommages seront réparés par l'administrateur communal de Bugarama et le gouverneur de Rumonge sur leur propre fonds pour l'inaction. Jean-Pierre Misago. Les maisons de la colline Magara 2, proche de la rive droite de la rivière Rudziwazi, sont menacées d'écroulement ou se sont déjà écroulées suite à une extraction anarchique du sable et du gravier qui a dévié cette rivière de son lit initial, attaquant lentement mais sûrement ses rives. Martin Niteretse, ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, après avoir été mis au courant de cette situation, demande cette fois-ci à l'administrateur communal de Bugarama, nouvellement élu à la tête de cette commune, s'il n'est pas à son tour au courant de cette situation et ce qu'il aurait déjà fait pour stopper ce phénomène. L'administrateur communal de Bugarama répondra qu'il a déjà saisi l'entreprise de construction Jetra pour ramener cette rivière dans son lit initial. Si une seule maison supplémentaire est détruite, elle sera réhabilitée sur les fonds propres de l'administrateur communal de Bugarama et du gouverneur de Rumonge pour une action, avertit le ministre Martin Iteretse. Entre-temps, certaines maisons se sont déjà écroulées, obligeant leurs occupants à s'abriter dans le voisinage même si l'administration zonale à Magara ne donne pas de précision. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago de Rumonge Cap sur Makamba à l'extrême sud du Burundi où le manque d'eau potable se fait parler de lui-même mais sur différentes collines de la province Makamba comme à Djimbi dans la commune de Kibago et Kirare de la commune Makamba. Les habitants de ces collines évoquent les difficultés pour arroser les jardins potagers en cette période d'été. Ils demandent qu'ils soient assistés pour qu'ils trouvent facilement de l'eau à utiliser. Lors de la réunion de ce mercredi tenue par le gouverneur de la province Makamba à l'endroit des administratifs et les intervenants dans le secteur agricole, cette question a été évoquée. Cette autorité provinciale a demandé aux moniteurs agricoles de conjuguer plus d'efforts sur les collines dotées d'eau. Élisée Quizera. Parmi ces collines où les habitants parlent de la pénurie dont dans la province de Makamba, on serait les collines de la zone Nyange, dans la commune Makamba, comme Ruremba et Mihongo, où les habitants disent qu'ils effectuent un trajet d'au moins 1 km à la recherche de l'eau, suite au manque de robinets que connaissent ces collines. Et à Kirare, même une source d'eau aménagée qu'on s'observait ne leur fait aucune goutte d'eau pendant cette période d'été. Son manque d'eau se parle aussi sur la colline Djimbi, de la colline Kibago, où ils indiquent que ce problème constitue un obstacle pour la pratique des jardins de cuisine, puisqu'ils ne voient pas comment ils peuvent parvenir à les arroser. Ces habitants demandent qu'ils soient assistés pour qu'ils aient de l'eau à utiliser. La pénurie d'eau dans la province de Makamba se parle dans les collines de ces différentes communes et cela a été évoqué par les agronomes communaux lors de la réunion de ce mercredi tenue par le gouverneur provincial à l'air entre Oua et aux administratifs. François Zengoziazana, le gouverneur de la province Makamba, a demandé aux moniteurs agricoles de conjuguer leurs efforts sur les collines dotées d'eau afin que ces dernières aient la production agricole abondante quant aux jardins de cuisine, pour que même les habitants des collines qui trouvent de l'eau à peine en profitent. Depuis Makamba, Élisée Quizera, Radio Isanganiro. Merci Élisée Quizera. Les centres de lecture et d'animation culturelle CLAC déjà créés dans le pays font face aux différents défis comme le manque d'électricité. Selon Célestin Naungendera, directeur général du Centre burundais pour la lecture et l'animation culturelle CEBULAC. Cela étant, ce directeur général reconnaît que ces centres sont d'une importance capitale pour les jeunes. Il ajoute que sa direction a un projet d'implanter d'autres centres là où il n'y en a pas. Il promet toutefois de trouver solution aux défis qui hantent les centres actuels. Suivez-les, ces propos ont été évoqués par Evariste Ndikobanyang. Si on prend les CLAC chacun dans son individualité, donc l'un après l'autre, donc chaque CLAC isolé, donc placé dans son propre contexte, et bien sûr qu'il y a des problèmes. Par exemple, il y a des CLAC qui n'ont alimenté un courant électrique. Voilà, ça c'est un problème parce que ça constitue déjà un frein pour certains faits que moi j'appelle des indices du développement. Comme par exemple l'utilisation du matériel informatique ou audiovisuel, et en l'occurrence les ordinateurs ou bien des postes télévisés pour visualiser certains films et ainsi de suite. Donc les personnes qui fréquentent les CLAC ont besoin. Alors, mais de façon générale, je pense que les CLAC se trouvent être moins un miroir de problèmes qu'un modèle de solution. C'est un modèle de solution aux questions d'intégration intellectuelle et culturelle auxquelles les populations des milieux semi-urbains ou ruraux sont confrontées quotidiennement. Cela est d'autant plus vrai que les CLAC, en tout cas, sont vraiment des lieux de rendez-vous des populations de tous les âges, parce que dans les CLAC, on trouve en tout cas des plus petits pourvu qu'ils soient en mesure de tourner une page, de tourner la page d'un livre, d'y voir quelque chose, de contempler les images, en tout cas du plus petit jusqu'au plus vieux. Donc tout le monde est le bienvenu. Donc c'est vrai, je l'assume, les problèmes ne manquent pas. Et nous attendons toujours à les résoudre l'un après l'autre. Mais de façon générale, il faut dire que la population est plutôt satisfaite des CLAC. Et il y a de quoi? Il y a de quoi? Par exemple, aujourd'hui, nous avons en tout 56 CLAC. Ils sont répartis dans 55 communes sur les 119 que compte le Burundi. Alors, les statistiques nous ont montré que les établissements scolaires qui se trouvent dans les communes dotées de CLAC affichent de façon générale les meilleurs résultats scolaires par rapport aux autres établissements. C'était Célestin Naungendera, directeur général du Centre burundais pour la lecture et animation culturelle CEBULAC. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à bon port. C'est par ici que nous mettons la boucle de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Imana qui était à la manette du son. Entre-temps, je cède le micro à Jean Bosco Ndouimana pour vous présenter la revue de la presse. Gardez l'écoute. Au revoir. Bonjour, bonsoir. Les entreprises publiques en mode dette cumulée, s'exclame Burundi Echo. Les chiffres en disent long. En 2021, la dette d'une vingtaine d'entreprises publiques pour l'exercice 2021 est estimée à plus de 1500 milliards de francs burundais, selon le rapport annuel de la direction de la dette au sein du ministère des Finances, du Budget et de la Planification économique. Ce rapport, publié au mois de janvier 2023, montre à quel point les entreprises publiques sont au bord du gouffre, selon ce journal, qui reprend celles citées par la direction de la dette. Et c'est notamment l'Office national des pensions et risques professionnels, des fonctionnaires, des magistrats et des agents de l'ordre judiciaire ONPR, la mutuelle de la fonction publique, l'ONATEL, la régie des eaux, l'OTB, la COGERCO, l'ONATUR, l'OTRACO, la SRDI, Air Burundi, la Banque de l'Habitat du Burundi, BHB, pour ne citer que celle-ci. Cet hebdomadaire socio-économique conclut que plus on traîne à réformer ses entreprises publiques en les privatisant par exemple, plus elles perdent de la valeur et partant, elles s'exposent à la liquidation. École normale supérieure, les étudiants de la troisième année enregistrent trop d'arriérés de pré-bourse, titre La Voix de l'enseignant, qui précise que jusqu'ici, ils n'ont touché que 4 mois de pré-bourse sur 12 mensualités, citant un des étudiants de l'ENS qui s'est confié à la rédaction de ce journal. Il indique que ces étudiants ont déjà terminé la première session et attendent d'entamer la deuxième session, et se demande comment le gouvernement compte leur donner le pré-bourse après le cursus, alors que cette somme aide à faciliter la vie d'étudiants. Entre-temps, fait remarquer cet hebdomadaire de l'éducation, au niveau de la direction des bourses et des stages, ainsi qu'à la direction générale de l'école normale supérieure, c'est un silence radio d'après ces étudiants. Revue de la presse. Des cas de fraude et de vol sont signalés en commune Gisagara et Mishiha de la province Tchankouzo, rapporte l'agence burundaise de presse, comme cela ressort d'une réunion élargie d'évaluation de la sécurité tenue en commune Gisagara mardi 12 juillet 2023 par le gouverneur Boniface Banyezako à l'intention des administrateurs communaux, de la police et chef de service déconcentré. Des cas de vol dans les ménages, dans les champs, dans certains établissements sanitaires, mais également des cas de fraude de haricots ont été pointés du doigt au cours de cette réunion. Cette fraude est surtout signalée en commune Gisagara, où les collines Wumba et Unyerere sont devenues des ponts de passage pour les fraudeurs vers la République unie de Tanzanie, poursuit la BP. D'après son confrère, le gouverneur Boniface Banyezako a recommandé que des dossiers tels que l'atteinte à la sécurité intérieure du pays, la fraude, le viol, l'assassinat, les boissons prohibées, etc., soient traités immédiatement et fassent objet de procès de flagrance. Deux magistrats, dont la vice-présidente du tribunal de grande instance de Rumonge, viennent d'être suspendus pour tentative de corruption, rapporte Net Press. Richard Wiregeya, magistrat au tribunal de grande instance de Rumonge, et la prénommée Cassilde, viennent d'être suspendus de leurs fonctions pour une période de 2 mois, pour tentative de corruption, selon des sources proches de ce tribunal. Les mêmes sources indiquent que des éléments sonores de ces magistrats ont été saisis en train de négocier des pots de vin avec des justiciables, souligne son quotidien à ligne. Certains de ces derniers dans cette province de Rumonge, contactés par NetPress, sont satisfaits de cette décision prise et qui vise à éradiquer la corruption au sein des juridictions. On termine cette revue de presse par cette bienvenue à la morgue que nous donne le journal Iwachu. Mais c'est pour évoquer ces drôles de buvettes, comme ce bistrot de fortune proposant à ses clients du vin de banane à profusion 24 heures sur 24 heures entre la 3e et la 4e avenue du quartier Mutakura en zone urbaine de Chibitoke. Il intrigue par son nom, la morgue. En effet, cet hebdomadaire considère cet endroit comme un mouroir fréquenté par des hommes et des femmes, de véritables zombies qui grouillent deux mondes à toute heure, ceux qui rentrent après leur coup de l'étrier renouvelé par tacite reconduction, croisent au premier rayon du soleil ceux qui viennent chercher en remontant. Ainsi se boucle cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Nduimana. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Isanganiro. Revue de la presse.